premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire consacrée au développement aux États-Unis, mais également dans le monde entier et en Europe en particulier, des Black Studies. En première partie de cette émission, nous recevrons l'historienne de l'art Anne Lafont. Elle est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteure d'une habilitation à diriger des recherches titrée « L'Africain, tout contre l'œil des Lumières » à paraître cette année aux presses du Réel. Et puis en deuxième partie, nous recevrons Claire Richard, elle est journaliste, auteure cet automne d'un livre qui est paru aux éditions de L'Échappée qui s'intitule « Young Lords, histoire des Black Panthers Latino », un groupe militant latino-états-unien, donc au début des années 70, fortement influencé par les méthodes d'action et la pensée des Black Panthers. Et nous serons rejoints en deuxième partie de cette émission par Anaïs Quien qui co-anime cette série d'émissions qu'elle a conçue depuis le départ. Alors bonjour Anne Lafont. Bonjour. Et merci de nous rejoindre pour un livre qui n'est pas encore paru et on l'attend avec impatience. Il paraîtra cet automne peut-être, l'automne prochain, voilà, aux éditions des presses du Réel. C'est votre habilitation à diriger des recherches, donc un titre universitaire qui est important, qui conclut d'une certaine façon tous les travaux universitaire classique que l'on peut faire, et il s'intitule « L'Africain, tout, entre parenthèses, contre l'œil des Lumières ». Il s'agissait pour vous, en tant qu'historienne de l'art, de réfléchir à la croisée de la science, de l'art et des techniques, à cette façon dont on a, à partir du XVIIIe siècle, ou au XVIIIe siècle plus exactement, représenté l'Africain dans l'art européen, mais également l'art atlantique, pourrait-on dire, puisque vous intéressez à un corpus qui est à la fois un corpus européen, mais également un corpus de tableaux ou d'œuvres qui sont originaires d'outre-Atlantique, dans ce qui n'était pas encore tout à fait les États-Unis. Oui, absolument. Alors, j'entendais même l'Atlantique dans le sens de centre, si vous voulez, c'est-à-dire pour décaler justement par rapport aux traditions historiographiques de l'histoire de l'art qui veulent qu'on construise finalement des corpus autour des écoles nationales. Mmh. Donc, privilégier finalement l'Atlantique, c'est privilégier les circulations au moment de l'esclavage, au moment du pic de l'esclavage, donc au XVIIIe siècle, et pouvoir construire essentiellement, puisque quand même je partais d'un corpus français au départ, de représentation des Noirs, pouvoir construire un Atlantique francophone, ou les Amériques françaises, on dirait, donc qui allait depuis la France, et notamment les côtes, mais aussi les comptoirs africains, et finalement la peinture dans les îles aux Caraïbes et la Nouvelle-Orléans dans cette première partie du XVIIIe siècle où elle est française. Et comme vous le dites, cet espace atlantique qui a été en particulier décrit par Paul Gilroy, cet espace atlantique, il comprend aussi ce qui va devenir les États-Unis avec l'économie de plantation, puisque beaucoup de ceux qui seront les pères de la nation américaine séjournent en Europe dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, que ce soit Thomas Jefferson ou d'autres. Et évidemment, ils ont eux aussi une vision, une représentation de ce que sont les Noirs par rapport aux Blancs. Tout à fait. Alors, il y a effectivement des échanges, d'ailleurs, qui sont des échanges dans le cadre d'alliances politiques pour s'opposer, d'ailleurs, à l'Angleterre et à la tutelle, finalement, anglaise sur les colonies, les 13 colonies américaines. Jefferson en fait partie. Et ce qui est intéressant, enfin, ce à quoi je me suis intéressée, c'est de voir comment de part et d'autre de l'Atlantique, finalement, à la fois dans la théorie artistique, c'est-à-dire dans ce qu'on construit autour de la couleur, puisque la couleur est quand même l'une des spécificités, si vous voulez, de la peinture, qui est aussi celle de la manière dont on se représente l'altérité, notamment africaine, c'est-à-dire de manière primordiale. Donc j'ai essayé de travailler autour de une construction académique, théorique, de la couleur de part et d'autre de l'Atlantique, et comment il y avait des répercussions finalement dans le monde de la représentation. Et c'est vrai que la figure de Jefferson sur ce plan-là est tout à fait intéressante, puisqu'il il est propriétaire d'esclaves. Il est propriétaire d'esclaves à Monticello, donc en Virginie. Il séjourne aussi en France à la fin des années 80. 1785. Oui. 84-85. Ouais. Et il publie les notes sur la Virginie en 1784, à Paris d'abord, en anglais, mais à Paris. Et c'est un des ouvrages, parmi d'autres, qu'il est intéressant de regarder de près, puisque c'est là où il essaye d'expliquer pourquoi il ne peut y avoir de communauté politique entre les Blancs et les Noirs. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour lui, la question de la noirceur, je dirais pas la négritude, mais vraiment la noirceur de la peau, fait qu'il est impossible de lire les émotions des Noirs. Mmh. Il est impossible de voir à travers eux, et ce manque de transparence serait, dans sa construction politique, la raison pour laquelle il est impossible, en quelque sorte, d'avoir une communauté politique. Et c'est ainsi qu'il justifie le fait que les Africains demeurent, en quelque sorte, esclaves, alors qu'en France, on verra que, notamment par le biais de Saint-Domingue et Haïti, ça sera questionné, finalement. Cette question de révolution ira jusqu'au fait d'inclure les Africains et les anciens esclaves. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment, aux États-Unis, on relie la figure de Jefferson très régulièrement, comme d'ailleurs la figure de Washington, de tous les autres pères de la nation américaine. Il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis rendu à Monticello et qu'on y fouillait maintenant, après avoir évidemment restauré l'ensemble de la demeure de Jefferson, on y fouillait les habitations des esclaves noirs en tentant de réévaluer les relations entre ces esclaves noirs et la famille de Jefferson, en changeant plus ou moins le regard que l'on pouvait avoir, montrant les connivences, les habitudes de vie en commun, etc., etc. Et c'est lui qui disait qu'il y avait une différence dans le degré de beauté d'une race à l'autre entre les noirs et les blancs. C'est cela, Anne Lafont? Absolument. Et puis, il n'était pas le seul, pour le coup. C'était quelque chose de très répandu. Et qu'on peut voir notamment. Alors, les images, pour le coup, sont tout à fait éloquentes et, je dirais, parlantes, pour le coup, pour comprendre la gradation de la beauté qui va de l'Apollon du Belvédère au singe. Et le noir apparaissant comme le chaînon manquant, qui n'est pas tout à fait humain. Enfin, en tout cas, qui questionne la limite de l'humain et qui s'apparente davantage à un animal, donc dans le sens, le mauvais sens du terme. Ça peut être d'autres fois dans un sens noble, mais là, en l'occurrence, dans le sens d'un moins humain, finalement, par rapport au blanc qui se rapprocherait donc de l'Apollon du Belvédère. Oui, nous en discutions vendredi en partie, c'était un des thèmes que nous abordions avec Michel Pastoureau et avec Éric Baraté sur le forum que nous avions, auquel nous avions participé de France Culture à la Sorbonne et que nous avons diffusé vendredi dans notre émission sur « Depuis quand défend-on les animaux ?». Alors, si on remonte un siècle en arrière, puisqu'en fait c'est votre point de départ, Anne Lafont, c'est pas 1784, mais c'est 1684. Et un tableau assez célèbre d'Antoine Coypel, donc, qui représente une jeune femme blanche, dont on pense qu'elle n'est pas une aristocrate, on l'a longtemps cru, mais elle ne l'est pas, qui se trouve à côté d'un serviteur noir. Et vous dites, on peut commencer une histoire de l'art, de la représentation du noir dans l'art français, à partir de ce moment-là, même s'il y a sûrement d'autres tableaux qui précèdent, et montrer l'évolution qu'il y a entre ce 1684 d'Antoine Coypel et, mettons, 1805, 1810, le début du 19e siècle, qui va avoir encore une amplification des éléments que vous mettez en jeu donc dans votre travail, donc qui s'intitule, je rappelle, L'Africain tout contre l'œil des Lumières, Anne Lafont. Oui, alors j'ai essayé quand même de travailler autour de bornes qui me paraissaient cohérentes et je voulais en quelque sorte montrer en image, enfin peut-être que la part la plus importante de mon travail, c'est de partir de privilégier comme source les images et les œuvres d'art et essayer de construire une histoire qui ne soit pas exclusivement articulée à l'histoire politique ou du moins qui la rencontre, mais en partant de sources donc visuelles et matérielles et artistiques qui sont les miennes. Et en l'occurrence, ce petit portrait qui est c'est pas un portrait d'ailleurs, c'est petit tableau, cette petite scène de genre qui représente donc une femme qui est croisée avec un jeune serviteur noir était tout à fait intéressante parce que d'abord c'était une des premières peintures qu'on trouve dans la peinture française où on a comme ça cette relation. Une relation entre noir et blanc dans un rapport aussi repoussoir, c'est-à-dire dans un rapport aussi de dynamique, si vous voulez, picturale, qui fait que le personnage noir, souvent, il va rester pendant plusieurs décennies un personnage mineur, hein, c'est ce que j'appelais un peu dans mon travail les jouets vivants, c'est-à-dire ce sont de petits personnages mineurs qui sont en plus complètement isolés de toute dimension familiale, qui serait un peu le noyau comme ça de civilisation. Et en rapport avec souvent une aristocrate blanche ou un aristocrate blanc, et en l'occurrence ici avec une femme. Ce qui m'a intéressée dans ce tableau-là, c'est que la date est tout à fait contemporaine du Code noir et également contemporaine d'un texte dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, qui est celui qui transfère finalement la notion de race du domaine, si vous voulez, du sang, quelque chose qui se transmet par le sang mais qui n'est pas forcément visible, donc de la classe et du sang, les nobles, les juifs d'un côté, et qui conduit à requalifier la notion de race du côté de la couleur de la peau et d'un certain nombre de races dans le monde qui seraient liées à cette couleur de la peau. On passe de la pureza di sangre, tout ce qui a été élaboré entre la fin du Moyen-Âge, par exemple, pour expulser les juifs des royaumes chrétiens, à une autre façon de voir qui n'est plus la pureté du sang, mais la représentation de la peau. Et essentiellement la couleur de la peau. Ça devient quand même le point d'entrée majeur. Et donc d'avoir au même moment le Code noir, ce texte donc qui transfère en quelque sorte la signification du terme race et ce tableau, je me disais qu'il y avait quelque chose à travailler autour de 1680, 1690. Donc j'ai commencé à travailler autour de ça. Et ensuite j'ai suivi ces figures noires dans les tableaux et notamment dans l'art français à ce moment-là, qui s'émancipent tranquillement de la relation de domination qu'il pouvait y avoir avec un personnage blanc pour aller jusqu'au portrait de Bellay, qui est le portrait du premier député noir donc à l'Assemblée constituante. En 1794, ouais. Il arrive le portrait de 1797 par Giraudet. Voilà. Donc c'est essayer de voir comment... Ça glisse. Ça glisse pas, ça travaille. Pendant plusieurs décennies, et il y a plusieurs étapes intermédiaires aussi entre les deux, si vous voulez. Ça passe pas de l'un à l'autre directement. Donc il y a des petites scènes de Carmontel, on trouve aussi des pastels, on voit tranquillement aussi s'individualiser le portrait, c'est-à-dire qu'on a toujours les serviteurs noirs qui sont faits en pendant avec le maître blanc, mais dans deux tableaux différents. Mmh. Et tranquillement, on a l'arrivée de la représentation d'un homme politique et ce député noir, donc autour de 1800. Alors ce qui est tout à fait passionnant, c'est d'abord que c'est un travail magnifiquement bien écrit, avec des trouvailles stylistiques, pourrait-on dire, très, très importantes, et qui ne sont pas simplement des trouvailles de style, mais qui sont aussi des conceptions que vous mettez en avant. Vous parlez tout à l'heure des jouets, ces jouets humains, mais vous avez par exemple, pour commencer votre travail, évoquer la question du protectorat pigmentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par ce terme? Parce que c'est un très beau terme qu'on comprend très bien en vous lisant, oui. Mais qu'il faut peut-être expliciter, Anne Lafont. Mais c'est-à-dire qu'il faut... Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment l'angoisse, finalement... Bon, il faut dire les choses assez clairement. L'angoisse du métissage est majeure et centrale dans les relations, notamment coloniales. Et à quel point on charge, finalement, la couleur d'un ensemble de possibilités ou de non-possibilités, je dirais, sociales et politiques. D'action politique, par exemple. Et donc, il devient nécessaire, me semble-t-il, tout au long du XVIIIe siècle, de protéger et de transmettre, finalement, ce que l'on a accumulé comme possibilités liées à la couleur de la peau. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, ce sont des travaux qu'on a pu montrer autour de la question des classes sociales, c'est qu'il y a aussi des classe raciale en quelque sorte, et il faut essayer de comprendre comment une société s'organise autour de cette double entrée en quelque sorte, qui ne se recoupe pas totalement, puisqu'il y a les noirs et les libres de couleur, par exemple. Donc il y a différentes, je dirais, strates sociales liées à la couleur, mais le protectorat pigmentaire, c'était vraiment essayer de comprendre ce qui est concomitant finalement à une race ou à l'autre, et comment on peut ou justement protéger ça, ou alors subvertir en quelque sorte pour obtenir davantage cette classe raciale. Alors oui, surtout on peut le subvertir par le maquillage, par le fard. Vous avez repris les travaux de Catherine Lanoë sur le maquillage au siècle des Lumières, et vous vous dites et vous regardez effectivement combien cette question d'être blanc, ça suffit pas, il vaudrait mieux être plus blanc que blanc d'une certaine façon, et plus on est blanc, mieux c'est, donc on va utiliser le fard pour pouvoir montrer la différence, c'est-à-dire pour se faire encore plus différent qu'on ne l'est réellement aux yeux de ces critères esthétiques, Anne Lafont. Absolument, c'est ce qu'on voit dans les tableaux. Si vous voulez, à partir du moment où il y a une conscience, finalement, que ce n'est pas une donnée partagée et qu'elle engage effectivement des possibilités différentes, on voit je dirais, dans le premier tiers du XVIIIe siècle, autour de toute cette peinture représentant notamment aussi des grandes familles ayant des dans les colonies des plantations ou des biens, une nécessité de surjouer le blanc en recourant au maquillage et en recourant également à la poudre. C'est-à-dire que c'est tout un... Et les peintres se font en quelque sorte les chroniqueurs de cette qualité qui est d'autant plus visible qu'elle l'est par la peinture plutôt que par les écrits. Si vous voulez. À ce moment-là, l'enjeu de la peinture est tout à fait important. Alors cet enjeu de la peinture, vous le tracez tout au long du XVIIIe siècle dans votre travail, Anne Lafont, et vous montrez bien combien, sur cette description de ce qu'on considère comme des espèces, eh bien, ceux qui ne procèdent que par l'écriture, comme Buffon, perdent à un moment la main face à ceux qui vont inventer des sortes de classifications par l'image. Donc, et là, on passe dans un autre domaine, mais qui n'est pas disjoint de ce domaine esthétique, dites-vous, Anne Lafont, c'est le domaine scientifique, la première classification des espèces, etc. Et là, il faut aller chercher du côté de la Hollande en particulier. De Camper. Voilà. De Petrus Camper. Petrus Camper, donc, qui est le premier, dites-vous, à représenter les espèces humaines de façon horizontale. Absolument. Ça, je pense que c'est... Je suis assez fière de cette trouvaille. Bon, je pense que tout le monde connaît, puisqu'on n'a pas d'image à la radio, mais enfin, on connaît tous la chaîne de l'évolution qu'on associe à peu près à Darwin, donc cette grande horizontalité qui montre effectivement l'évolution de l'homme, en quelque sorte. Et j'ai cherché, donc, en travaillant avec les sources du XVIIIe siècle, à retrouver quand on passe, finalement, de l'horizontalité, où on avait effectivement... De la verticalité, d'abord. De la verticalité, excusez-moi. Ouais. À l'horizontalité. Et je pense que c'est vraiment avec Petrus Camper, et pour l'avoir testé auprès de nombreux collègues maintenant, je crois pouvoir le confirmer, qui le premier... Et alors, pour moi, il y a deux choses dans son... Le fait qu'il traduit horizontalement, en quelque sorte, cette question de l'évolution humaine. D'une part, il est lui-même dessinateur, c'est-à-dire qu'on a pour la première fois quelqu'un qui ne délègue pas cette possibilité d'observation et de transmission de l'observation sur un mode graphique à quelqu'un d'autre, qui le fait lui-même, et il le dit qu'il le fait ça depuis qu'il est tout petit. Et deuxième chose, je pense qu'il, pouvant traduire le travail de laboratoire qu'il fait au sein de son cabinet, il a autour de lui un ensemble de crânes dans son cabinet de curiosité, et il peut directement appliquer ce qu'il est en train de manipuler sur une ligne horizontale. Et du coup, je pense... Vous voulez dire que c'est l'étagère qui a donné... C'est l'étagère qui a donné l'horizontalité. Ça, quand on vous lit, c'est assez étonnant. On se dit, voilà, un objet matériel, une façon de classer, pourrait-on dire, pour dans un cabinet de curiosité, devient d'un seul coup la manière de classer qu'on partage encore jusqu'à aujourd'hui, depuis Darwin. Absolument. On voit d'ailleurs... Donc l'évolution du singe à l'homme, par exemple, que l'on connaît habituellement dans tout un tas de manuels. Absolument. Voilà. Et dont on trouve désormais des avatars, où on voit que l'homme redescend vers Trump, d'ailleurs. On trouve aussi ces nouvelles lignes. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pense vraiment que la question, et pour le coup, c'était tout à fait intéressant de comprendre cette chose-là vis-à-vis du XVIIIe siècle, puisque c'est le siècle aussi de l'expérience et des sens, on a à travers la figure de Camper, si vous voulez, la conclusion en quelque sorte, ou le sommet en quelque sorte, de cette pratique mise en œuvre et conceptualisée au point de changer de manière de voir. Et ce qui est quand même très passionnant, c'est qu'en fait, vous nous expliquez combien, tout au long du XVIIIe siècle, cette question de la couleur de peau est classifiante, qu'on va les classer de telle manière que on doit avoir une soixantaine de qualificatifs différents. Pour pouvoir un peu plus. 130. Hein. 130. Chez Moreau de Saint-Méry, c'est près de 130. 130 pour pouvoir justement différencier le trait noir du blanc. Et vous nous expliquez que pour Camper, donc 1768, dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes dans divers climats, eh bien pour Camper, cette question de la peau, c'est pas tellement la question. Parce que lui, il se dit, sous la peau, il y a les os. Et le crâne, c'est peut-être plus intéressant. Et donc, d'un seul coup, il va faire glisser vers autre chose, vers l'anthropologie qui va être mise en application en particulier par Cuvier au début du XIXe siècle. Il va faire glisser vers autre chose la question de la différence. Ça n'est pas simplement la question de la couleur de la peau qui va être en jeu, mais c'est la forme même de l'être humain. Oui. Alors, je crois qu'il y a un passage par Camper, oui, effectivement, d'une science molle à une science dure, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il disqualifie autant dans cette dissertation. Il commence par dire, voilà, j'ai décidé de devenir un savant parce que quand je me promenais dans les rues d'Amsterdam en étant jeune, c'est le premier paragraphe de sa dissertation. J'ai croisé un homme noir, le choc a été tel que je depuis... Je fus singulièrement frappé de la configuration et de la couleur des noirs, c'est ça? Voilà, absolument. Donc, il explique bien que l'expérience de l'altérité telle qu'elle est à son sommet passe par la couleur de la peau, mais finalement il se méfie en quelque sorte de cette qualité qui serait qui pourrait échapper, en tout cas qui serait pas si fixe que ça. Et je dirais que aussi tout le travail que j'ai fait sur les albinos sans peinture le prouve, puisque on a ah, ils se posent tous des questions de savoir qui sont ces albinos, comment on peut être noir en étant blanc, ouais. Et plus blanc que blanc, ouais. Donc c'est Camper est tout à fait conscient de ça, et je pense que justement, il décide de ne plus loger finalement l'altérité dans la couleur de la peau, qui est si fuyante, qui peut avoir des variations incroyables et qui peut même sauter des générations, peut-être s'en rend-il compte déjà à ce moment-là, et il choisit de travailler à cette altérité au niveau des os. C'est-à-dire au niveau du crâne notamment. Et c'est là qu'il développe toute cette théorie de l'angle facial qui durera aussi, qui aura enfin... Alors un angle facial qui, dit-il, est de 30% différent entre les noirs et les blancs au maximum. Donc on va pouvoir ensuite, à partir de ce moment-là, mesurer tous les crânes. On va faire comme Cuvier, lorsqu'il envoie ou il participe à des expéditions à l'autre bout du monde, il dit bien aux gens, il faut que vous mesuriez cet angle facial, faut faire des dessins de face, mais aussi de profil. Et là, on voit naître l'anthropométrie telle qu'elle se développera tout au long du 19e siècle. Et c'est absolument fascinant de voir combien l'art, la représentation artistique, la représentation figurée, a quelque chose à voir avec justement cette question des classifications des races, Anne Lafont. Absolument. Et puis, je dirais que, essentiellement, lorsqu'on parle d'anthropologie, c'est-à-dire que ça soit l'anthropologie culturelle, qui a d'ailleurs occupé plutôt la première partie du 18e siècle, où on essayait de fonder finalement cette diversité humaine autour des costumes et de tout ce qui était de l'ordre de l'apparat, justement, le maquillage, etc., le tatouage, puisque lorsque ce ne sont pas des blancs, on parle de tatouage, lorsque ce sont, même si c'est du maquillage, lorsque ce sont des blancs, on parle de maquillage. Donc, toutes ces choses qui étaient, qu'on ajoutait finalement au corps humain, étaient le lieu de l'anthropologie culturelle telle qu'on la voit se développer dans la première partie du 18e siècle. Et c'est vrai qu'à la fin du 18e siècle, on passe à une anthropologie physique, donc plus se porter... Au point qu'on enlève même les tatouages ou les scarifications lorsqu'elles sont sur le corps de certains. C'est une consigne de ne pas les prendre en compte parce que, selon Cuvier, elles détourneraient d'un vrai travail scientifique. Donc on est au point, oui, de falsifier en quelque sorte ce que l'on peut voir. Mais c'est dans ses recommandations, dans ses préconisations pour construire une science de l'homme, donc autour de 1800, puisqu'on a la première société d'anthropologie française, la Société des observateurs de l'homme, en 1799. Et ceux qui ont vu évidemment le film La Vénus Noire se souviennent sûrement de cette histoire, celle de Sarah Bartman. Donc, mais il y en a une autre qui est moins connue en France, parce que ça se passe à Vienne, c'est Angelo Soliman. Donc deux Africains qui vont tous les deux être naturalisés, comme on naturalise les animaux. On va les montrer dans des vitrines, après les avoir montrés dans des spectacles de foire. Et c'est ce que vous appelez la spectacularisation du corps des Noirs. Oui. Anne-Laure. Alors, je dirais qu'il y a deux mouvements, d'ailleurs. Il y a un mouvement de spectacularisation et un deuxième mouvement qui est même de faire entrer, en quelque sorte, le corps de l'homme dans le musée, le corps de l'Africain, en l'occurrence, qui est quand même un moment où on questionne aussi beaucoup les musées sur ce qu'ils ont dans leurs réserves, qui pose problème. Et la question de la naturalisation, c'est aussi, et c'est pour ça que bon, il faudrait avoir un peu plus de temps pour développer, mais d'entrée, c'est une question qui est posée. Peut-on naturaliser ? On a les moyens, manifestement en 1800, la taxidermie permettrait de le faire, de naturaliser un être humain, mais Cuvier et d'autres se posent la question quand même de l'opportunité d'aller jusque-là. Mais ils le font. Mais ils le font quand même. même. Ils le font en partie. Ils se questionnent, mais ils le font en partie tout de même. Ben oui, mais peut-être de rétablir quand même ces débats-là, ça pourrait être intéressant quand même de penser qu'il y a des avis contradictoires. Et pareil, je dirais d'ailleurs, pour la manière dont les objets entrent dans les musées aussi. Mais pourquoi le fait-on ? Est-ce que c'est pour suivre la doctrine de Cuvier parce que il y a une correspondance parfaite entre la perfection du corps et la beauté de la figure, donc on va montrer ce qui est la dimension morale, pourrait-on dire, de ces Africains, ou est-ce que quelles sont les raisons qui entrent en jeu dans cette... Je pense qu'il y a une vraie il y a plusieurs choses. Il y a certainement une dynamique générale de domination, et de la domination passe aussi par le fait de saisir, de contrôler jusqu'au bout et même jusque dans l'après-vie finalement de ces sujets africains. Et il y a aussi une vraie curiosité scientifique qui n'excuse en rien d'ailleurs ce côté prédateur quand même de Cuvier vis-à-vis du corps. Il y a une vraie curiosité scientifique parce que c'est une manière, je pense, sincère, même si elle est immorale, de mieux se comprendre soi-même que d'aller chercher ce qu'il y a chez l'autre. Et jusqu'où va cette différence quand même, d'essayer de comprendre dans ce côté tellement incompréhensible, de voir finalement, et peut-être aussi cette quête sans fin, parce qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Oui, une quête d'une vérité, entre guillemets, scientifique, parce que, disait Cuvier, les plus grands peintres avaient mal saisi le caractère du nègre et n'avaient peint qu'un blanc barbouillé dessus. Voilà. Oui, donc je crois que vous avez tout bien dit. Oui, absolument. En parlant du tableau de Giraudet. Voilà, en parlant du tableau de Giraudet, donc de ce portrait de Jean-Baptiste Bellay, élu à la Convention en 1794, et donc peint en 1797. On conclura là-dessus, alors que votre travail est encore beaucoup plus large, et on appellera nos auditeurs à regarder en librairie, dès qu'il sortira, plutôt dans 8 ou 9 mois, votre livre donc, qui s'intitule « L'Africain, tout contre l'œil des Lumières ». Je rappelle donc que vous êtes directrice de recherche à l'école directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et ce livre donc s'appelle « L'Africain, tout contre l'œil des Lumières ». Merci à vous, Anne Lafond. Merci beaucoup. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. Un extrait de ce magnifique morceau de Gilles Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised, de 1971. Bonjour à vous, Anaïs Kian. Bonjour, j'ai pris ma voix d'hiver aujourd'hui. Et bonjour à vous, Claire Richard. En 1971, on est en plein dans l'histoire que vous nous racontez dans votre livre qui vient tout juste de paraître aux éditions de l'Échappée. Alors, je dois reconnaître que je ne connaissais pas les Young Lords, c'est le titre de votre livre. Histoire des Black Panthers latinos entre 1969 et 1976. Alors, vous êtes tombé un peu par hasard sur cette histoire en tant que journaliste et travaillant aux États-Unis. Et vous avez remonté le fil en allant interroger tous les survivants, ils sont assez nombreux, de cette aventure et en mélangeant dans ce livre aux éditions de l'Échappée à la fois leurs témoignages que vous montez comme on pourrait monter un documentaire de télévision ou de radio et avec des documents d'époque qui permettent de se replonger dans cette aventure des Young Lords. Alors ces Young Lords, ils vivent dans un quartier, le Spanish Harlem de New York pour beaucoup d'entre eux. C'est en 1969 et ça commence par une grève de poubelles. On a appris par les éboueurs parisiens que les rats pullulaient à Paris dans une information hier, en l'occurrence parue dans le Parisien. Et c'est un peu ce qui motive ces Young Lords au tout début de leur carrière d'activistes latino-américains. Oui, tout à fait. Alors ça commence, comme vous l'avez dit, en l'été 69. Et les Young Lords, à ce moment-là, c'est assez peu de gens, c'est une dizaine de jeunes gens, puisqu'ils ont en moyenne entre 15 et 22 ans. Ils sont vraiment très jeunes. Hein. Ils sont vraiment très très jeunes. Et c'est vrai que parfois on l'oublie parce qu'ils ont une forme de... Ils ont aussi déjà une histoire militante pour beaucoup. Ils ont milité dans des mouvements étudiants. Certains, comme Denise Oliver, qui est l'une des femmes importantes. Incroyable. Elle a fait partie des Black Panthers. Elle a fait partie des Black Panthers juste après, ouais. Et comme peut-être on reviendra là-dessus, mais il y a aussi pas mal de fluidité justement entre les Black Panthers et les Young Lords. Et elle commence à militer à 12 ans. Bon, elle vient aussi d'une famille militante, mais quand même. Et donc, ce petit groupe de gens qui sont pour la plupart latinos, mais c'est surtout des portoricains. C'est-à-dire, ils ont donc la nationalité américaine, puisque Porto Rico fait partie des États-Unis, mais ils vivent à New York. Et ils viennent de créer un petit groupe militant vraiment à l'été. Et ils ont décidé qu'ils voulaient pas du tout faire de théorie, ils ne veulent pas être juste un groupe de lecture, et ils veulent faire une action, et ils commencent en se demandant, nous ce qu'on veut faire c'est servir le peuple, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller demander au peuple. La basura. Voilà, quels sont leurs premiers problèmes? Et effectivement, ils s'attendent à ce qu'on leur parle de brutalité policière ou de criminalité, et en fait les gens disent les poubelles, parce que dans El Barrio, les poubelles débordent, il fait très chaud souvent, ça pose plein de problèmes sanitaires. Et donc, Les rats pullulent. Donc c'est ça, et c'est des problèmes sanitaires, et aussi pour eux c'est vraiment l'incarnation de leur statut de citoyen de seconde classe, puisque les services municipaux passent pas régulièrement, pas assez en tout cas, ramasser les poubelles. Donc leur première action, c'est un dimanche de descendre dans la rue avec des balais. C'est la révolution du balai, comme il y a eu au Burkina Faso il y a quelques temps, donc c'est avec des balais qu'ils font la révolution. Ils commencent. Une petite dizaine, en grand, avec des vestes militaires, des bérets, etc. Mais ils ramassent les ordures. Donc pendant plusieurs week-ends, il ne se passe pas grand-chose. Et il y a un dimanche où donc ils racontent qu'ils commencent à déployer un drapeau portoricain, que du coup, ils sont un peu plus identifiés par les habitants du quartier, qu'ils les suivent. Et ils rassemblent une vingtaine de sacs poubelles. Ils vont même s'approprier des balais, parce qu'ils vont demander à un service de la mairie s'ils peuvent pas avoir un peu plus de balais, la mairie refuse. Et donc là, ils les prennent de force. Ils rassemblent tous ces sacs poubelles au milieu d'une grande avenue et ils y mettent le feu. Peut-être pour comprendre, il faut aussi bien expliquer la proximité de ce quartier très défavorisé et d'un autre quartier extrêmement bourgeois et pour le coup, les poubelles ne débordent jamais. Voilà, oui, effectivement. Et c'est de l'autre côté. La 96e. De l'autre côté de la 96e, il y a l'Upper East Side qui est effectivement un quartier très riche avec une composition ethnique très très différente. Et où là, pour le coup, la voirie fait vraiment son travail. Il n'y a pas de poubelles qui débordent, il n'y a pas de rats, il n'y a rien du tout. Et donc, ces incendies de poubelles, évidemment, donc c'est sur une grande avenue qui est une grande artère qui est vraiment cruciale pour le trafic routier aussi de Manhattan. Donc ça bloque la circulation, les pompiers arrivent et puis surtout, il y a un début d'émeute à ce moment-là. Donc les gens que j'ai interviewés disent, alors nous, on n'avait pas vraiment anticipé ça. On pensait qu'on allait juste faire un coup, mais ça déborde un peu. Et donc pendant tout l'été, il y a ce que la presse appelle des émeutes des poubelles et ce que eux appellent l'offensive, the garbage offensive, l'offensive des poubelles. Et ce qui va être un point récurrent dans leur action, c'est que il y a une question de timing en fait qui marche bien, c'est que c'est même si apparemment ils l'avaient pas particulièrement anticipé, c'est au moment de la campagne pour la réélection du maire de New York, et donc de fait leur action attire l'attention, et donc il y a une efficacité assez claire, puisque l'INSEC et le maire sortant envoient des émissaires pour négocier, et donc il y a une mise en place d'un ramassage de poubelles un peu plus régulier. Donc ça pour une première action, d'autant que effectivement c'est vraiment des gamins en fait d'une certaine façon, ça les pose tout de suite dans ce quartier El Barrio comme une force politique. Et ce sont des gamins, mais qui vont trouver un modèle aussi à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils s'appellent les Young Lords, et c'est un mouvement qui existe déjà à Chicago. ils vont aller rencontrer ces gens de Chicago qui ne sont pas les mêmes qu'eux. C'est un ancien gang, un ancien dirigeant de gang qui s'est reconverti à l'action politique après un passage en prison et après avoir fréquenté justement des Black Panthers. Et ils vont demander l'autorisation de créer une branche de ces Young Lords à New York. Oui, exactement, parce qu'effectivement, l'origine des Young Lords, c'est d'abord à Chicago. Donc c'est vraiment un gang de rue qui a initialement, donc je crois que c'est créé en 59, le gang des Young Lords, qui est plutôt dans le trafic de drogue et la défense de territoire. Et c'est un leader qui s'appelle Chacha Jiménez, qui pareil, lui est très jeune, qui devient chef de gang à 17 ans, qui fait beaucoup de prison et qui entend parler des Black Panthers en prison, lors d'un de ses séjours. Parce qu'il raconte d'ailleurs qu'il y a la radio allumée tout le temps, 24 heures sur 24, et que c'est comme ça qu'il entend parler de militants noirs. Il se renseigne autour de lui avec des co-détenus. Et quand il sort, Fred Hampton, qui est ce grand militant des Black Panthers basé à Chicago, en gros le forme sur le tas, c'est-à-dire lui dit, le politise et crée avec, donc sous l'influence de Hampton, Chacha Jiménez transforme le gang en un mouvement politique. C'est-à-dire une belle réussite de reconversion. Ouais. Collective. Ça qui, alors, apparemment sera avec plus ou moins de réussite sur le long terme, mais il y a un peu aussi des disputes mémorielles entre les Lords de Chicago et ceux de New York. Mais effectivement, ça c'est important, parce que moi je me suis surtout intéressée aux Young Lords de New York, mais qui ont une composition sociologique très différente, parce que ceux dont j'ai parlé pour l'offensive des poubelles, ils viennent de familles pauvres, ils ont grandi dans vraiment les barrios, les ghettos pauvres de New York pour la plupart, mais ils ont accédé à l'université. C'est la première génération qui a fait des études, alors que les Young Lords de Chicago, c'est pas du tout le cas. Mais effectivement, donc ils lisent en fait dans un journal, je crois que c'est un journal des Black Panthers justement d'ailleurs, qui annonce la création des Young Lords. Et ce même été en 69, ils y vont, ils sont effectivement adoubés. Ce sont même les Lords de Chicago, un membre mexicain des Lords de Chicago qui, d'après ce que vous avez recueilli comme témoignage, trouve la devise des Young Lords de New York, Tengo Puerto Rico en mi corazón. Donc, je porte Puerto Rico dans mon cœur. Et donc, ça va être leur devise pendant toute la durée de leur action qui, il faut quand même le préciser auprès de nos auditeurs, est une action relativement brève. Ça va durer que quelques années, cette action des Young Lords, mais ça va être très important pour la communauté portoricaine et latino des États-Unis et plus spécifiquement de New York. Ouais, tout à fait. Surtout la côte est, effectivement. New York et aussi à Philadelphie, pareil, ça, je me suis moins intéressée, mais ils ont été aussi très actifs. Parce qu'effectivement, en fait, dès 69, ils se mettent à créer une série de programmes. Donc, complètement inspiré par les Black Panthers sur ce qu'ils appellent des community programs. Donc c'est tous ces programmes communautaires d'action directe et locale et qui correspondent à cette même philosophie de répondre aux besoins immédiats de la population, parce que la communauté portoricaine qui constitue l'essentiel de El Barrio, avec aussi beaucoup d'Afro-Américains et d'autres Latinos, il y a des conditions sanitaires catastrophiques, un taux de chômage extrêmement élevé et c'est une population qui se trouve en butte à des discriminations croisées, qu'elles soient raciales, économiques, etc. Donc ils vont très vite mettre en place des programmes de free breakfast, de distribution de petits déjeuners gratuits pour les enfants, sur le modèle des Black Panthers, et pas mal de systèmes aussi de santé. Parce qu'il y a tout un pan de leur action qui est une critique des modèles de santé, en fait, enfin des hôpitaux, du système de santé tel qu'il existe dans ces quartiers-là. Et donc ils vont mettre en place des programmes de dépistage gratuit, de la tuberculose, du saturnisme. Ils vont faire beaucoup d'actions dont peut-être on pourra reparler. Vous voulez un camion de radiologie ? Détourner un camion de radiologie, exactement. Parce que la tuberculose fait des ravages dans El Barrio et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la mairie de New York a un camion ambulant qui permet de faire des radios des poumons, mais il passe dans El Barrio, mais il passe pas souvent. Il passe à des horaires pas du tout pratiques pour les gens qui travaillent. Or, c'est quand même un quartier où il y a beaucoup d'ouvriers. Et donc, effectivement, suite d'abord à un premier refus de la mairie de leur donner les horaires pour qu'ils puissent les annoncer sur des flyers, etc. Et comme le camion, lui, par contre, reste stationné très longtemps dans un quartier où il y a vraiment beaucoup moins de tuberculose, ils y vont. Ils font de l'action directe, quoi. Ils y vont déguisés en infirmiers avec des blouses blanches et ils détournent le camion pour le réinstaller au cœur de El Barrio, lui mettre des drapeaux portoricains. Ce qui est quand même très intéressant dans cette histoire, c'est que on se souvient ou on croit se souvenir quand on s'intéresse à l'histoire des États-Unis que c'est le moment où Johnson, justement, venant du Parti démocrate, bien que continuant et amplifiant la guerre au Vietnam, développe des programmes de santé sur les modèles rooseveltiens de l'entre-deux-guerres. Et en fait, vous montrez bien que ces programmes de Johnson ne touchent pas tout le monde, sont très loin d'avoir touché en particulier ces communautés très défavorisées, et que ils vont donc ces Young Lords occuper les hôpitaux. Ils vont aussi aller dans des endroits où ils sont interdits de faire de l'action directe pour pouvoir populariser leur action et la faire connaître, Claire Richard. Ouais, ouais, tout à fait. Alors effectivement, beaucoup de ces militants-là, mais comme de Black Panthers, ont commencé dans les Community Action Programs qui font partie de, qui ont été lancés par justement ces programmes de guerre contre la pauvreté, mais qui trouvent de pas assez radicaux. Et pour les actions de santé, c'est vraiment les hôpitaux, en gros, de El Barrio ainsi que du South Bronx, qui est limitrophe, sont des hôpitaux qui sont vétustes, où les conditions sanitaires sont catastrophiques. Il y a beaucoup de témoignages qui décrivent des pannes de climatisation régulières, des rats qui courent dans les couloirs, des conditions d'hospitalisation catastrophiques. Aussi, beaucoup de médecins ne parlant pas espagnol pour une population majoritairement latino. Donc, plein de très nombreuses, en tout cas, difficultés d'accès aux soins. Et donc, pour pallier à ça, ils vont s'allier avec des groupes existants. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, aussi, dans l'activisme de santé. C'est que c'est pas quelque chose qu'ils font seuls. D'abord parce qu'il y a des compétences qu'ils n'ont pas, les compétences directement médicales, donc ils travaillent avec des médecins, souvent des internes, des médecins radicaux, souvent blancs, blancs pour l'immense majorité, et aussi des travailleurs hospitaliers. Donc ils vont occuper un hôpital vétuste et même organiser à un moment un centre de désintox communautaire. Oui, parce qu'ils sont... pour certains d'entre eux, vous l'avez expliqué, ils ont été auparavant des dealers de drogue, mais ils vont devenir très farouches sur cette bagarre contre la drogue en accusant la police d'être complices dans leur quartier par en fermant les yeux ou en étant corrompus de ces trafics de drogue. Anaïs Kien. Oui, peut-être il y a dans ce jeu d'influence entre les différents mouvements des minorités de ces années-là, il y a un aspect important dans les Young Lords s'inspirent en partie du mouvement des Black Panthers, mais vont moduler certaines formes du répertoire d'action, c'est-à-dire que la question de l'autodéfense qui fait partie du programme des Black Panthers, qui est une possibilité de se défendre par la violence, les Young Lords vont le minorer dans leur action de manière très, très importante. Oui, complètement. C'est-à-dire, alors, ils se définissent comme une organisation paramilitaire, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement aux arts martiaux, il y a une discipline vraiment militaire, ils défilent au pas quand ils font des manifestations, etc. Mais ils ne vont jamais, ils font pas de manifestations avec des armes publiques. Ils se font prendre en photo tout de même devant des drapeaux portoricains avec des armes à la main, par exemple. Oui. Comme les Black Panthers se font prendre en photo dans ces mêmes positions. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ça reste du registre de l'image, c'est-à-dire que la seule fois où ils apparaissent en public vraiment avec des armes, c'est lors de la deuxième occupation d'une église locale qu'ils ont occupée précédemment pour y installer des programmes communautaires. Et c'est une sorte de tentation qui ne se fait pas, en fait. C'est une route qui n'est pas prise. Et ils expliquent très bien qu'ils ont besoin, pour fonctionner tel qu'ils fonctionnent pendant la première partie de leur action, donc 69-71, du soutien local. Et le soutien de la communauté, ça implique, c'est ce qu'ils expliquent très bien, des gens de tous les âges. Et ils disent beaucoup, en tout cas dans les médias, parce qu'il y a aussi une utilisation très fine des médias, il y a plusieurs reportages du New York Times où ils se présentent globalement comme de charmants jeunes gens un peu politisés. Et ils expliquent qu'on a besoin du soutien des grands-mères, de la famille, et ça, ce serait impossible si on... On entrait dans la lutte armée, c'est ça? Voilà. Alors, même si on jouait de cette image-là. Ouais. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que peut-être, même si on sait effectivement que beaucoup de Noirs américains ont à un moment ou à un autre de l'histoire des États-Unis rêvé d'un retour à l'Afrique, et que ça soit dans les années 60 et 70, partir en Éthiopie suivant l'idéologie du rastafarisme, ou beaucoup plus tôt évidemment dans les années 20 ou dans les années 30 partir au Liberia. Il y a une particularité pour ces enfants de Portoricains vivant à New York, c'est qu'ils peuvent il pourrait vouloir repartir et qu'il y a des débats internes dans ce mouvement des Young Lords, expliquez-vous, Claire Richard, entre ceux qui disent il faut rompre la malédiction et retourner à Porto Rico, par exemple, et ceux qui disent non, notre destin, c'est de vivre ici, c'est de rester ici et de se battre ici pour ceux qui vivent avec nous. Oui, tout à fait, parce que alors que au sein des Young Lords, mais aussi d'autres groupes portoricains, parce que même, enfin, ce sont pas évidemment les seuls groupes nationalistes existants à New York. Il y a deux façons de considérer la situation des portoricains, et c'est important parce que ça détermine des orientations stratégiques différentes. C'est-à-dire que soit on considère que les portoricains qui habitent aux États-Unis font partie de la nation portoricaine au même titre. Et donc ça, c'est la théorie de la nation divisée, comme quoi il y aurait un tiers de la nation portoricaine vivant aux États-Unis. Mmh. Et dans ce cas, le point essentiel de l'action, c'est la défense ou la lutte pour l'indépendance portoricaine. Et l'autre perspective, c'est de considérer que les portoricains aux États-Unis sont une minorité nationale, un peu comme les Afro-Américains. Et dans ce cas, on va se concentrer sur la transformation de la société américaine. Et les Young Lords vont osciller entre ces deux positions en fonction aussi des personnes... Du contexte et aussi des personnes qui vont être dans le comité central, qui est l'instance directrice. Et parce que eux, effectivement, pour une bonne partie, ont tout un imaginaire autour de Porto Rico, un imaginaire à la fois souvent familial et affectif parce qu'ils ont passé des vacances, mais aussi un imaginaire politique et de lutte puisqu'ils travaillent dans leur cours d'éducation politique, ils reconstruisent une histoire, une contre-histoire de lutte de l'identité portoricaine, donc ils vivent là-dedans. D'un point de vue des représentations, mais c'est très différent de leur condition de vie. Et donc, la tentation... Enfin, pendant longtemps, pour eux, en plus, à chaque fois que toutes leurs actions communautaires sont intrinsèquement liées à la défense de l'indépendance portoricaine, puisque pour eux, c'est les deux faces d'une même médaille. Mais en 71, en fait, là, la question commence à vraiment diviser le parti, puisque la question commence à se poser d'ouvrir des branches sur l'île. Et là, les positions se divisent, puisqu'il y a une partie du comité central qui pense que c'est une hérésie, puisque ce qui réussit, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de membres, ils sont très, très soutenus par la presse, on le voit à New York, les articles du New York Times sont extrêmement élogieux sur les Young Lords. Et une autre partie qui pense que, puisqu'il faut battre pour l'indépendance, il faut aller à Porto Rico. Et ils vont finir par le faire. Donc, ce qui va impliquer de fermer certaines branches locales pour pouvoir Transférer les forces. Voilà, transférer les forces, des ressources, etc. Et évidemment, à Porto Rico, c'est une catastrophe. Oui. C'est le rêve de Che Guevara en Afrique, par exemple, dans les années 66-67, qui tourne à l'échec d'une certaine façon. Il y a aussi, dites-vous, Claire Richard, on n'a pas le temps d'y insister parce que nous arrivons au terme de notre entretien, une dimension très importante qu'on n'a pas du tout précisée dans cette discussion-là, c'est la question sexuelle, la question d'être un mouvement féministe, pro-gay, dans une Amérique qui ne l'est pas à ce moment-là. Et c'est très important de montrer aussi cette convergence des luttes, que ça soit les luttes politiques avec les Black Panthers ou dans les actions que mènent les Young Lords, mais aussi les luttes sociétales liées justement à la question de la place des femmes et la place des homosexuels dans la société américaine. Ouais, c'est ce qu'ils appellent la revolution within the revolution, la révolution dans la révolution. Et c'est l'idée qu'on ne peut pas changer la société si on ne transforme pas en soi les structures de la domination, ce qui implique, et ce qui est très puissant, effectivement, le féminisme, comme vous l'avez dit, et la lutte contre le racisme intériorisé. Merci beaucoup, Claire Richard. On en apprendra plus en lisant votre livre Young Lords, histoire des Black Panthers latinos, 1969-1976, aux éditions de L'Échappée. Merci à vous. Et comme il est 9h54, il est temps d'annoncer le documentaire donc réalisé par Séverine Cassard et le documentaire d'Anaïs Quien, qui sera donc sur notre antenne demain à cette même heure, un documentaire consacré au magazine Fire. On va remonter dans le Harlem des années 20 et c'est un magazine qui n'a eu qu'un numéro mais qui a été très important, une revue très importante pour pouvoir montrer les combats des Noirs américains dans cette Amérique des années 20. Garçon d'ascenseur, Langston Hughes. J'ai un boulot là. Je conduis un ascenseur à l'hôtel Denison, à Jersey. Mais le boulot est pas bon. Y a pas d'argent. Les boulots, c'est que des hasards, comme tout le reste. Là, un peu de chance, peut-être. Peut-être pas. Peut-être un bon boulot, parfois. Sorte ce tonneau, garçon. Deux nouveaux costumes et une femme avec qui dormir. Peut-être pas de chance pendant longtemps.